Section 117 des mille et une nuits, tome 3e. 7e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine du public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland. 7e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Depuis le départ du prince Bahman pour son voyage, la princesse Parizade, qui avait attaché à sa ceinture le couteau avec la gaine qu'il lui avait laissée pour être informée s'il était mort ou vivant, n'avait pas manqué de le tirer et de le consulter même plusieurs fois chaque jour. De la sorte, elle avait eu la consolation d'apprendre qu'il était en parfaite santé et de s'entretenir souvent de lui avec le prince Pervise qui la prévenait quelquefois en lui en demandant des nouvelles. Le jour fatal, enfin, que le prince Bahman venait d'être métamorphosé en pierre, comme le prince et la princesse s'entretenaient de lui sur le soir, selon leur coutume, « Ma sœur, dit le prince Pervise, tirez le couteau, je vous en prie, et apprenons de ses nouvelles. » La princesse le tira, et en le regardant, ils virent couler le sang de l'extrémité. La princesse, saisie d'horreur et de douleur, jeta le couteau. « Ah, mon frère, s'écria-t-elle, je vous ai donc perdu, et perdu par ma faute, et je ne vous reverrai jamais, que je suis malheureuse. Pourquoi vous ai-je parlé d'oiseaux qui parlent, d'arbres qui chantent et d'eau jaune, ou plutôt que m'importait-il de savoir si la dévote trouvait cette maison belle ou laide, accomplie ou non accomplie ? Plus à Dieu que jamais elle ne se fût avisée de s'y adresser. Hypocrite, trompeuse, ajouta-t-elle, devais-tu reconnaître ainsi la réception que je t'ai faite? Pourquoi m'as-tu parlé d'un oiseau, d'un arbre et d'une eau qui, tout imaginaire qu'ils sont, comme je me le persuade par la fin malheureuse d'un frère si chéri, ne laisse pas de me troubler encore l'esprit par ton enchantement? Le prince Pervise ne fut pas moins affligé de la mort du prince Bahman que la princesse Parizade. Mais sans perdre le temps des regrets inutiles, comme il l'eut compris par les regrets de la princesse sa sœur, qu'elle désirait toujours passionnément d'avoir en sa possession l'oiseau qui parlait, l'arbre qui chantait et l'eau jaune, il interrompit. « Ma sœur, dit-il, nous regretterions en vain notre frère Bahman. Nos plaintes et notre douleur ne lui rendraient pas la vie. C'est la volonté de Dieu, nous devons nous y soumettre et l'adorer dans ses décrets, sans vouloir les pénétrer. » Pourquoi voulez-vous douter présentément des paroles de la dévote musulmane, après les avoir tenues si fermement pour certaines et pour vraies? Croyez-vous qu'elle vous eût parlé de ces trois choses si elles n'existaient pas, et qu'elle les eût inventées exprès pour vous tromper, vous qui, bien loin de lui en avoir donné sujet, l'avez si bien reçue et accueillie, avec tant d'honnêteté et de bonté? Croyons plutôt que la mort de notre frère vient de sa faute, ou de quelque accident que nous ne pouvons pas imaginer. Ainsi, ma sœur, que sa mort ne nous empêche pas de poursuivre notre recherche. Je m'étais offert de faire le voyage à sa place, je suis dans la même disposition, et comme son exemple ne me fait pas changer de sentiment, dès demain je l'entreprendrai. » La princesse fit tout ce qu'elle put pour dissuader le prince Pervise en le conjurant de ne pas l'exposer au danger, au lieu d'un frère d'en perdre deux, mais il demeura inébranlable nonobstant les remontrances qu'elle lui fit, et avant qu'il partît afin qu'elle pût être informée du succès du voyage qu'il entreprenait, comme elle avait été de celui du prince Bahman, par le moyen du couteau qu'il lui avait laissé, il lui donna aussi un chapelet de perles de 100 grains pour le même usage, et en le lui présentant, « Dites ce chapelet à mon intention pendant mon absence, en le disant s'il arrive que les grains s'arrêtent de manière que vous ne puissiez plus les mouvoir ni les faire couler les uns après les autres, comme s'ils étaient collés, ce sera une marque que j'aurai eu le même sort que notre frère. Mais espérons que cela n'arrivera pas, et que j'aurai le bonheur de vous revoir avec la satisfaction que nous attendons, vous et moi. » Le prince Pervise partit, et le 20e jour de son voyage, il rencontra le même derviche à l'endroit où le prince Bahman l'avait trouvé. Il s'approcha de lui, et après l'avoir salué, il le pria, s'il le savait, de lui enseigner le lieu où était l'oiseau qui parlait, l'arbre qui chantait et l'eau jaune. Le derviche lui fit les mêmes difficultés et les mêmes remontrances qu'il avait faites au prince Bahman, jusqu'à lui dire qu'il y avait très peu de temps, qu'un jeune cavalier dont il lui voyait beaucoup de ressemblance, lui avait demandé le même chemin, et que vaincu par ses instances pressantes et par son importunité, il le lui avait enseigné. Et lui avait donné de quoi lui servir de guide et prescrit ce qu'il devait observer pour réussir, mais qu'il ne l'avait pas vu revenir d'où il n'y avait pas à douter qu'il n'eût eu le même sort que ceux qui l'avaient précédé. « Bon derviche, reprit le prince Pervise, je sais qui est celui dont vous parlez. C'était mon frère aîné, et je suis informé avec certitude qu'il est mort. De quelle mort, c'est ce que j'ignore. Je puis vous le dire, repartit le derviche. Il a été changé en pierre noire comme ceux de qui je viens de parler, et vous devez vous attendre à la même métamorphose, à moins que vous n'observiez plus exactement que lui les bons conseils que je lui avais donnés, au cas que vous persistiez à ne vouloir pas renoncer à votre résolution, à quoi je vous exhorte encore une fois. » « Derviche, insista le prince Pervise, je ne puis assez vous marquer combien je vous suis redevable de l'intérêt que vous prenez à la conservation de ma vie. » tout inconnu que je vous suis et sans que j'aie rien fait pour mériter votre bienveillance. Mais j'ai à vous dire qu'avant que je puisse m'en partir, j'y ai bien songé et que je ne puis l'abandonner. Ainsi, je vous supplie de me faire la même grâce que vous avez faite à mon frère. Peut-être réussirai-je mieux que lui à suivre les mêmes enseignements que j'attends de vous. Puisque je ne puis réussir, dit le derviche, à vous persuader de vous relâcher de ce que vous avez résolu, si mon grand âge ne m'en empêchait et que je puisse me soutenir, je me lèverai pour vous donner la boule que j'ai ici, laquelle doit vous servir de guide. » Sans donner au derviche la peine d'en dire davantage, le prince Pervise mit pied à terre, et comme il se fut avancé jusqu'au derviche, le derviche qui venait de tirer la boule de son sac, où il y en avait un bon nombre d'autres, la lui donna et lui dit l'usage qu'il en devait faire, comme si devant au prince Bahman, et après l'avoir bien averti de ne pas s'effrayer des voix qu'il entendrait sans voir personne, quelque menaçante qu'elle fût, mais de ne pas laisser de monter jusqu'à ce qu'il eût aperçu la cage et l'oiseau, il le congédia. Le prince Pervise remercia le derviche, et quand il fut remonté à cheval, il jeta la boule devant le cheval et en piquant des deux en même temps, il la suivit. Il arriva enfin au bas de la montagne, et quand il eut vu que la boule s'était arrêtée, il mit pied à terre. Avant qu'il fît le premier pas pour monter, il demeura un moment dans la même place en rappelant dans sa mémoire les avis que le derviche lui avait donnés. Il s'encouragea et il monta, bien résolu d'arriver jusqu'au haut de la montagne, et il avança 5 ou 6 pas. Alors il entendit derrière lui une voix qui lui parut fort proche, comme d'un homme qui le rappelait et l'insultait en criant « Attends, téméraire, que je te punisse de ton audace !» À cet outrage, le prince Pervise oublia tous les avis du derviche, il mit la main sur le sabre, il le tira et il se tourna pour se venger. Mais à peine eut-il eu le temps de voir que personne ne le suivait, qu'il fut changé en une pierre noire, lui et son cheval. Fin de la 7e partie de l'histoire des deux sœurs jalouses de leur cadette. Section 117.